Misa pour mon pays, l'île belle la Réunion. Un petit coin paradis, au pied d'un volcan. Ni n'a bon pays cultivé, n'a bon pays religion. Ni n'a l'amour à la vie, dans le 15 habitants. Et Misa Manouya, au milieu tout ça là. La musique, mon enseignes, l'esprit, mon tradition. Mon pays.